17. 1. Gros gras grain d'orge, quand te dégros gras grain d'orgeras-tu? Je me dégros gras grain d'orgerai quand tous les gros gras grain d'orge se dégros gras grain d'orgeront. 2. Trois tristes tigres et 30 truites trilingues trottent sur le trottoir. 3. Que le criquet croque, que la cruche craque, que le crapaud crapote.